Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un qui dit, je suis en retard, mes amis ont réussi dans la vie, mes amis sont partis en Europe, aux États-Unis. Mon ami, avec Jésus, tu ne peux jamais être en retard. Il y a un temps réservé pour toutes choses. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Ce que le Seigneur te demande, c'est d'abord de lui donner la première place et de marcher dans la crainte et dans la sanctification. Et il va accomplir ses promesses. Réveille-toi, réveille ton frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 56. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre texte du jour, le psaume 56. Au chef des chantres sur colombe, des térébintes lointains. Hymne de David. Lorsque les Philistins les saisirent à Gat. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent tous les jours. Ils me font la guerre. Ils me tourmentent tous les jours. Mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu. En sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes, sans cesse ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées, ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie, c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Trois vérités ressortent de ce texte merveilleux. Nous allons voir la première vérité. Dans l'adversité et dans la crainte, tournons-nous vers Dieu dans la prière. David a écrit ce psaume pendant les moments d'adversité. Le verset 1 décrit la circonstance lorsque les Philistins les saisirent à Gat. Ce récit fait allusion probablement à l'arrivée de David sur le territoire des Philistins pendant qu'il fuyait Saül. Lorsqu'il arriva chez Achish, roi de Gat, ses serviteurs le reconnurent comme étant celui qui avait tué leur héros Goliath. Dans sa peur, il se sentit obligé de faire le fou. En faisant devant eux des extravagances et en laissant couler sa salive sur sa barbe. C'est alors qu'il fut renvoyé par les Philistins. Vous pouvez le vérifier dans 1 Samuel 21, 10 à 15. Vous pouvez vivre aussi des moments pareils, des moments où vous commencez à fuir l'ennemi. Vous allez de quartier en quartier, vous allez de village en village, de ville en ville. Mais le Seigneur est là. Ce que Dieu vous a promis s'accomplira, quelle que soit l'adversité. Quand nous voyons ce psaume, nous voyons comment David décrit l'état dans lequel il se trouvait. Il dit, il était harcelé, combattu et tourmenté par ses ennemis qui étaient nombreux, au verset 2-3. Souvent nous sommes harcelés, il y a quelqu'un qui te harcèle, il te poursuit partout où tu vas. Tu as un dossier peut-être d'emploi que tu as rempli quelque part ou bien tu as sollicité l'emploi, mais lui il bloque toujours tout ce que tu fais. David dit aussi qu'il était dans la crainte au verset 4. Cette crainte se justifie par le fait qu'il était dévoilé dans les camps des Philistins. Il y a des moments où tu as peur. Tu découvres qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie. Il dit, ses ennemis portaient sans cesse atteinte à ses droits. Au verset 6, peut-être que c'est ton cas, mon ami. Il y a des gens qui portent atteinte à tes droits. Tu travailles depuis plus de 15 ans, mais ton profil de carrière est toujours bloqué. Les avantages liés à ton poste ne suivent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui en veut à ta vie. Il porte atteinte à tes droits. Mais j'aimerais prophétiser pour toi que le Seigneur va te justifier si tu te confies en ce Dieu qui s'appelle Yahvé Tchikenou. Il dit aussi, ses ennemis portaient sans cesse atteinte à ses droits. Et il continue en disant, ses ennemis complotaient contre lui et les pillaient. Vous voyez, nous sommes souvent l'objet des complots. Les gens forment des complots dans les noirs. Les gens t'épient, c'est-à-dire, ils sont en train de suivre tes traces pour savoir ce que tu fais. Tous ceux qui viennent te voir à la maison, tous ceux qui viennent te féliciter, lorsqu'ils ont appris ta nomination, lorsqu'ils ont appris que ta fille a été admise à un concours, ne viennent pas de bon cœur. Donc c'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il y a des gens qui viennent tout simplement épier pour connaître tout ce que tu fais. Il dit ses ennemis comptaient échapper par l'iniquité. C'est-à-dire, il y a des gens qui comptent réussir dans leur voie par la malice, par le péché. Mais David montre qu'il a crié à Dieu. Il a dit, aie pitié de moi, ô Dieu. Verset 2. Ça montre que lorsque tu vis l'adversité, toi aussi tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, regarde ma situation. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Il ajoute au verset 5, 4 à 5. Je me confie en toi et je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Donc il faut que tu places ta confiance en ce Dieu-là. Ne te confie pas aux hommes. Deuxième vérité, Dieu nous sécurise et fait reculer nos ennemis. La vraie sécurité se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth et non pas dans les canaries, non pas dans les maraboutages, dans des fétiches, dans les libations. David a démontré qu'il était rassuré de la sécurité divine en son égard. C'est pourquoi il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Verset 9. Il avait également la certitude que ses larmes étaient recueillies dans les livres de vie. Au verset 9. C'est dans le même esprit que Jésus pouvait dire à ses disciples, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Pour toute personne qui a rencontré Jésus, qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle peut avoir cette certitude que son nom est inscrit dans les livres de vie. Mon frère, laisse-moi te dire que ce n'est pas le baptême qui sauve quelqu'un. Tu peux être baptisé, confirmé. Tu peux occuper des postes de responsabilité. Diacre, diaconesse, bishop, archibishop. Si réellement tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu n'as pas rencontré Jésus, tu iras en enfer. Parce que ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, mais il n'est pas encore trop tard. David constate que ses ennemis reculent lorsqu'il crie à Dieu et que ce dernier est pour lui. Paul pouvait dire dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu est pour toi, si Jésus est pour toi, personne ne sera contre toi. Même les sorciers qui te combattent, même les féticheurs, personne ne sera contre toi. Lorsque nous avons cette certitude, nous pouvons bannir toute crainte. David dit, que peuvent me faire des hommes? Si Dieu est de ton côté, que peuvent te faire tes hommes? Troisième vérité, accomplissons nos vœux envers Dieu et manifestons-lui notre reconnaissance. David termine ce psaume en prenant l'engagement d'accomplir ce vœu qu'il a fait à Dieu et de lui offrir un sacrifice d'action de grâce en signe de reconnaissance pour sa délivrance. C'est ce qu'il dit au verset 13. Il arrive très souvent que nous formulions les vœux à Dieu. Nous lui promettons de soutenir son œuvre en contribuant à la construction des temples, en soutenant les projets d'évangélisation et des missions, au cas où il nous accordait un mari ou une femme, au cas où il nous donnait un emploi. Mais lorsque le Seigneur nous accorde ces bénédictions, nous ne respectons pas nos engagements. Je vais parler à une dame. Souviens-toi des promesses que tu as faites au début de cette année. Tu as vu la main de Dieu. Dieu t'a ouvert les portes. Tu es parti en mission à l'extérieur du pays. Tu es rentré. Dieu t'a accordé la grâce même d'acheter un terrain. Mais est-ce que tu as accompli le vœu que tu as formulé? Il n'est pas encore tard. Tu ne dois pas terminer cette année sans accomplir le vœu. Souvent, quand Dieu bloque nos bénédictions, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Quand Dieu te bénit, tu ne reviens pas. Tu viens voir seulement les hommes de Dieu. Tu viens voir les pasteurs seulement pour la prière. Priez pour moi, pour que j'ai l'emploi. Priez pour moi, pour que mon fils, pour ma fille aille en France, aille au Canada. Mais quand Dieu te bénit, tu ne reviens pas dire merci. Ce n'est pas normal. Apprenons à manifester notre reconnaissance par nos prières d'action de grâce, mais aussi par nos dons. Quand on parle de l'action de grâce, il y a toujours les deux dimensions de l'action de grâce. L'action de grâce par nos prières. Quand Dieu t'a béni, Dieu agit, tu reviens en disant, Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Mais l'action de grâce se traduit aussi par une offrande spéciale. Quand tu as vu la main de Dieu, il t'a béni, tu reviens avec quelque chose pour dire, Seigneur, voici mon action de grâce. Que Dieu vous aide à accomplir vos vœux. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Yeshua, Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Reçois la louange, toi qui règnes d'âge en âge, adoré par tous les anges, tu es le Dieu saint et sage. Yeshua, le roi des gloires, mon bouclier, ma victoire. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être loué et adoré. Ensemble, nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il nous a gardé toute la nuit. Il t'a donné la grâce encore de respirer aujourd'hui. Élève ta voix là où tu es. Bénis son saint nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche, OSB. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, Côte d'Ivoire, sur la radio nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Toute l'équipe OSB vous salue. Nous rappelons que pour ceux qui aimeraient suivre en direct OSB, vous pouvez les suivre et tout simplement, lorsque vous êtes connecté sur Internet, vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez tout simplement aller sur la plateforme TuneIn. TuneIn est une plateforme où il y a plusieurs radios. Quand vous y allez, et puis vous tapez Radio Fréquence Vie, et vous pouvez suivre nos émissions. OSB est diffusé en direct à partir de 5h temps universel. Pour ceux qui reçoivent par WhatsApp, vous pouvez transmettre ou partager avec le plus grand nombre de personnes possible afin que eux aussi soient connectés au ciel par la prière chaque matin ou à n'importe quelle heure. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 56. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons à partir de ce psaume. Nous allons crier à Dieu pour qu'il nous délivre de l'adversité. Lorsque nous sommes poursuivis par nos ennemis, c'est toi qui m'entends, tu es poursuivi spirituellement, physiquement, ou bien il y a un proche, un parent qui est poursuivi, tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur vienne à son secours et qu'il le délivre de ses ennemis. Prions le Seigneur. Dieu bon, Dieu merveilleux, merci encore pour ton amour que tu es en train de nous prouver encore aujourd'hui. Parce que nous sommes réveillés en pleine forme, ce qui n'était pas évident. Ce matin, nous voulons nous élever contre les ennemis qui sont eux au contraire des méchants, qui veulent nous voir nuit, qui nous poursuivent, qui nous assaillent, qui nous brutalisent. Nous prions, Seigneur, que tous ces esprits qui se lèvent contre nous, tous ces esprits qui nous poursuivent pour nous atteindre, soient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons, Seigneur, toutes les stratégies d'ennemis orientées vers nous, dirigeantes vers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits qui ont été délégués pour nous poursuivre, pour nous assaillir, que ces esprits soient aveuglés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Physiquement aussi, des hommes ont été délégués, mandatés pour nous atteindre. Père, nous prions que tu fasses avorter leur projet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean, le chapitre 3, verset 8, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'esprit. Seigneur, merci parce que nous sommes nés de l'esprit. Ainsi donc, physiquement comme spirituellement, nul ne peut nous atteindre car cette promesse est oui et amen. Et la parole de Dieu est vraie, est juste et s'accomplit toujours. Merci Seigneur parce que quelqu'un entre maintenant dans sa destinée prophétique. Quelqu'un entre dans son salut. Quelqu'un entre dans sa santé. Quelqu'un retrouve son travail perdu. Quelqu'un retrouve sa fécondité au nom de Jésus-Christ. Non, nous avons prié et nous sommes dans la joie parce que Christ nous a délivrés, nous a bénis. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour la sécurité qu'il nous accorde jour après jour. Et prions pour que Dieu fasse reculer nos ennemis. Et particulièrement en cette fin d'année, nous savons qu'il y a beaucoup des problèmes parfois, il y a des familles où il y a toujours des gens qui meurent, des problèmes d'accident. Tu vas prier pour dire, Seigneur, sécurise-nous, c'est toi notre sécurité. Sécurise ma vie, sécurise ma famille, sécurise mon mari, ma femme, mes frères, mes petits frères. Au nom de Jésus, couvre-nous par ton sang et protège-nous, renverse tout ce qui est projet de l'ennemi contre nous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu te lèves et nos ennemis se dispersent. Nos adversaires prennent la fuite devant toi. Comme la fumée se dissipe, ainsi tu les dissipes. Comme la scie fond au feu, ainsi les méchants disparaissent devant toi. Nous te remercions, nous te rendons grâce au Père éternel pour la sécurité que tu nous accordes chaque jour. Nous disons merci aussi parce que tu fais reculer nos ennemis, les projets, les plans de l'ennemi contre nos vies, contre notre famille, contre nos projets sont voués à l'échec au nom puissant de Jésus. En cette saison de fin d'année, nous prions contre tout esprit de mort, tout esprit assoiffé de sang est lié dans le nom de Jésus-Christ. Leur projet, leur plan inique, leur plan de méchanceté contre les enfants de Dieu, contre ses servantes et ses serviteurs sont voués à l'échec. Nous te remercions et nous te rendons grâce parce que tu nous protèges, ô Père éternel. Tu nous protèges par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. L'esprit de mort ne nous visitera pas. L'esprit de mort ne compromettra pas nos proches. Nous avons cette assurance qu'en cette saison de fin d'année, tu nous gardes, tu nous protège, tu nous sécurises. Merci Père éternel. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le lion de la tribu de Juda. Si ce n'avait été Jésus-Christ, que serions-nous devenus? Nous disons merci Père pour ton amour. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta protection que tu nous accordes, non seulement à nous, mais à nos proches, notre environnement, notre nation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous rende capables d'accomplir fidèlement nos vœux. Si tu as pris un vœu, tu as fait un vœu pour dire, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ça. Et tu te rends compte que tu ne l'as pas encore fait. Prie pour le Seigneur. D'abord, demande pardon à Dieu et demande que Dieu te donne la capacité de te rattraper, d'accomplir ton vœu. Pour tous ceux qui ont pris l'engagement de soutenir la radio, comme ami de Fréquence Vie, mon ami, vraiment prie le Seigneur. Dieu t'a béni, mais tu n'as pas été fidèle. Que Dieu te rende fidèle. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force. Dieu Tout-Puissant, je loue ton nom parce que ta parole est fidèle. Ta parole est la vérité. J'ai confiance en cette parole et je ne suis pas inquiet parce que par la foi, j'ai des promesses selon la Bible qui disent que celui qui honore lui-même sera honoré, celui qui bénit sera béni, celui qui sème va récolter, celui qui permet que l'œuvre de Dieu avance. Oui, Seigneur, cette personne en retour recevra davantage. Et à cause de ce que nous avons eu quelques défis, nous avons eu quelques difficultés, nous avons été malades, nous n'avons pas eu du travail à un temps donné, nous n'avons pas eu des enfants à des moments donnés, et tu as permis que, en te faisant un vœu, ta grâce, ta bénédiction nous est parvenue. Et nous voulons aujourd'hui te prier pour toutes ces personnes-là qui ont été bénies et qui ont oublié de venir en retour bénir la radio fréquence vie. Père, fortifie-les, donne-les de te demander pardon et que ces personnes-là reviennent à toi. Merci parce qu'aujourd'hui, nous verrons leur présence. Les jours à venir, ces personnes, ces familles et tous ceux qui ont pris des engagements, qui se sont affaiblis, qui ont commencé à négliger, toutes ces personnes-là viendront pour te glorifier parce que tu es un bon père qui ne cesse de bénir tes enfants. Et aujourd'hui, nous revenons sur les pas comme ce seul aveugle parmi les 10 qui a été délivré, guéri, qui a été libéré et qui est revenu dire merci à Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour cet esprit que tu mets dans nous. Gloire et honneur à toi, toi qui es Saint-Esprit qui fais ces choses en nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir. Et à très bientôt.